Amanda! Amanda! I Afrika! Vaimu yet! Friends! Eh bien, mes amis, mes camarades et mes concitoyens d'Afrique du Sud, je vous apporte mon salut à vous tous au nom de la foi, paix, au nom de la démocratie, au nom de la liberté et pour tous. Je suis ici avec vous, devant vous, et non pas comme un prophète, mais comme celui qui est au service du peuple d'Afrique du Sud. Je renouvelle, réaffirme nos conditions. Primo, la fin immédiate de l'état d'urgence. Deuxièmement, la libération de tous, pas simplement quelques prisonniers, tous les prisonniers politiques. Nous avons attendu trop longtemps cette liberté, notre liberté. Cette liberté, nous ne pouvons plus l'attendre plus longtemps. La libération de Nelson Mandela montrait aux Africains deux choses. La première, c'est que la victoire revenait aux combattants, mais aussi que la victoire revenait à ceux qui avaient la capacité et le talent de négocier. De fait, la formule de la conférence nationale a réussi là où les protagonistes ont su taire leur rivalité et accepter de négocier la transition, comme au Mali. Eh bien, au Mali, justement, voyons ce que demande l'opposition en mars 1991 par la voix d'Amadou Diabaté, représentant le comité de coordination de l'opposition.